Chapitre 3e. 6 jours avaient déjà suivi cette nuit de notre premier rendez-vous. Tout plein de l'amour qu'il en avait rapporté, mon cœur n'avait plus de battement que pour l'espoir d'une autre nuit pareille. Vous comprenez quelle joie je ressentis lorsqu'un soir je trouvais sur mon lit un nouveau billet de Donna Josepha. Celui-là m'était venu d'une façon plus incompréhensible encore que les premiers. Je n'avais point quitté ma chambre de la journée, et j'y étais resté absolument seul. Pour y interdire aussi l'entrée à la chaleur qui était excessive, j'avais tenu non seulement mes jalousies baissées, mais encore mes croisées fermées, de sorte qu'une mouche même n'eût pu pénétrer chez moi. Mais tous les incidents de mon aventure et surtout les mystères de ces communications s'enfonçaient à chaque moment en de telles ténèbres que si mon œil s'efforçait de les percer, ma raison en chancelait éblouie. Que mon saint patron me le pardonne, après de longues méditations, j'en venais toujours à soupçonner dans tout cela la secrète intervention du diable. J'estimais néanmoins que si le malin esprit mettait les mains à cette intrigue, il se donnait bien du mal pour me donner bien du bonheur, et je n'avais guère le courage de lui en vouloir beaucoup. Cette fois, le billet de Donna Josepha ne m'appelait pas près d'elle. Les occasions de nous voir, me disait-elle, bien qu'elle en eût un mortel déplaisir, devaient être nécessairement très rares. Tant de périls pour nous deux les entouraient, que c'eût été folie de les risquer imprudemment. Je pouvais d'ailleurs me reposer sur elle du soin de les faire naître et de nous les ménager avec sécurité. Elle ne me commandait plus, elle me suppliait, au nom de notre amour, de murer en mon âme les secrets qui y étaient tombés et de ne la solliciter jamais pour lui en arracher d'autres. Elle me conjurait de ne chercher par aucun moyen à découvrir en quel lieu de la ville était sa maison. Si je parvenais en effet à le savoir, les impatiences de ma tendresse m'entraîneraient malgré moi aux galanteries accoutumées des amoureux. Je la voudrais suivre aux promenades et à la messe. Je m'emparerais de sa rue nuit et jour. Je ferais donner des sérénades sous ses croisées, et observer comme elle était, je ne manquerais pas de nous perdre ainsi l'un et l'autre. Ce n'était point de mon cœur qu'elle se défiait, mais bien plutôt de l'indiscrétion de ses témoignages, et voilà pourquoi elle se garantissait si fort contre elle. Elle ne s'enveloppait de tant de voiles et d'obscurité que pour y mieux cacher et retenir notre amour. Sa lettre était remplie de 1000 autres recommandations qui, tout en conscience, eussent formé un beau sermon, dont le texte eût été que la discrétion des hommes est la vertu des femmes. Elle me permettait néanmoins de lui répondre, mais à la charge de remettre moi-même ma réponse au vieil écuyer qui l'attendrait le lendemain à l'heure de l'Ave Maria sous les arcades de San Pablo. Sentant bien où étaient surtout ses inquiétudes et ses craintes, et combien il m'importait de les apaiser, je lui écrivis une lettre que je lui fis tenir scrupuleusement comme elle l'avait prescrit, et où je mis toutes les assurances capables de lui donner une entière tranquillité. Je lui jurai que le bandeau qu'elle m'avait attaché sur les yeux de ses belles mains, fût-il bien plus épais encore, jamais je ne chercherai contre son désir à le soulever. Pourvu qu'elle le détachât elle-même, et me rendît la vue lorsque je serai à ses pieds, partout ailleurs, je consentirais à être aveugle. C'était de ses seuls regards que me devait venir la lumière, et je n'en voulais point d'autre. Mais je la suppliai à mon tour de ne point retarder notre réunion. La mit-elle pour moi au prix d'un dévouement bien plus complet que n'en demandaient les faciles conditions qu'elle m'avait imposées. Je la suppliai surtout, lorsqu'il s'agirait pour moi d'un instant de sa présence, de ne jamais considérer les dangers dont je le pourrais payer, et de ne s'arrêter qu'à ceux qu'elle risquerait elle-même. Je ne sais si je le dus à la persuasion rassurante de mes paroles, mais un second rendez-vous ne se fit pas attendre longtemps. Il fut entouré de toutes les mystérieuses précautions qui avaient accompagné le premier. Donna Josepha, moins inquiète, moins défiante, fut moins fière aussi, moins farouche. La lionne s'était apprivoisée. Je connus ce qu'était le sourire de ce regard ardent et fauve, ce qu'étaient les caresses de ce violent amour. Oh, sa grâce était plus puissante encore que sa force. Roulée autour de moi, échevelée, l'œil humide et suppliant, elle m'avait chargé de plus de chaînes qu'à ce moment où, debout, me tenant sous ses pieds, elle avait si despotiquement pris possession de mon âme. À cette seconde nuit, il en succéda de loin en loin plusieurs autres. Leurs intervalles étaient remplis par une correspondance assidue dont le vieil écuyer continua d'être, quant à mes lettres, le seul intermédiaire, comme il était aussi le guide unique de mes voyages nocturnes dans la chaise à porteurs. Cependant, ces occupations de mon amour avaient tellement absorbé ma vie qu'elles ne m'en laissaient plus nul autre soin. C'était devenu une rareté de me voir au théâtre ou aux promenades. J'avais déserté mes plus chères amitiés. Les jours, je les passais cloîtrés en ma chambre, composant pour ma maîtresse de longues épîtres que je m'en allais confier les soirs à notre disque messager, ou relisant celles que j'avais trouvées miraculeusement sur mon lit à mon réveil. Cette profonde retraite, si différente de mes anciennes dissipations, surprenait à bon droit mon frère, mais elle n'était pas son plus grand étonnement. Où employais-je toutes ces nuits d'absence hors du logis, durant lesquelles on ne m'apercevait plus jamais en ces tripots et ces lieux de plaisir que je fréquentais jadis si assidûment? Il m'avait nombre de fois interrogé là-dessus, et toujours, par mille faux fuyants, j'avais éludé sa curiosité. Mais un matin, je rentrais pâle, en désordre, et les fatigues de l'insomnie écrites apparemment sur mon visage en d'inquiétants caractères, il me pressa de questions si vivement, et avec des marques d'affection si touchantes, que tout honteux déjà de lui avoir si longtemps caché quelque chose de mes actions, moi, qui dès mon enfance m'étais accoutumé à tout lui dire, ne résistant plus à ses instances, sûr d'ailleurs de lui comme de moi-même, je déchargeai mon cœur de ses secrets dans le sien, où je ne doutais pas qu'il ne demeurasse profondément enseveli. Mon frère, homme de bon et prudent conseil, sans me trop gronder d'un attachement dont les séductions avaient été si grandes, me donna pourtant de sages avertissements et m'engagea fort à rompre une liaison qui lui semblait entourée de trop de mystères pour qu'elle pût être innocente et sans conséquences fâcheuses. Nous avions eu cet entretien assis l'un près de l'autre en ma chambre, portes et fenêtres fermées. Qui pouvait nous avoir entendus, si ce n'est Dieu et nos anges gardiens? Eh bien, je fus régalé le soir après souper d'un de ces billets jetés sur mon lit, quand mes galants propos je disais à madame m'être descendu du ciel. Mais celui-là n'avait rien, je vous assure, du langage doucereux et mesuré que l'on doit parler en si haut lieu. Vu son style et l'inexplicable chemin qu'il avait pris pour me venir trouver, il eût au contraire été fort raisonnablement permis de lui supposer un point de départ tout opposé. C'était bien en somme le billet le plus diaboliquement furibond qu'ait jamais écrit la femme la plus enragée dans la plus haute tempête de sa plus fougueuse colère. Elle ne me faisait pas même l'honneur de me traiter d'ingrat et de perfide. J'étais un misérable et un infâme. Elle avait été bien folle de mettre une âme comme la sienne à la merci d'un cœur si bas placé. Je l'avais trahi lâchement, mais je n'aurais pas au moins la gloire de briser le premier, suivant l'honorable avis de mon frère, un lien qu'il avait déjà trop longtemps déshonoré. Elle était avertie à temps, et de ce jour, je ne devais plus entendre parler d'elle. Je ne vous dirai point en quelle douleur me jetèrent ces menaces qu'un effet sérieux parut vouloir suivre. Il ne m'arrivait plus ni lettre ni message. Durant nos 3 semaines, Donna Josepha sembla bien m'avoir irrévocablement oublié. Oh, je n'avais pas, moi, pris mon parti de son abandon. Et ce n'était point avec résignation que je portais le deuil de cet amour. Rougissant d'ailleurs de ma faiblesse et redoutant d'en trop laisser éclater au dehors des témoignages, je m'étais retiré ainsi qu'un ermite dans ma chambre, refusant d'y admettre qui que ce fût, même mon frère, afin de me consoler au moins un peu à pleurer en liberté. Ce désespoir si profondément enfoui sut pourtant trouver son accès auprès de la comtesse et lui arracha quelque pitié. Fléchi par mes pleurs, un beau matin, le ciel enfin se rouvrit, et il m'en tomba une missive où Donna Josepha, touchée de mon repentir, me permettait de venir expier ma faute à ses genoux. Il fallait vraiment, pensais-je alors, que la même fée qui lui avait conté mot pour mot ma conversation avec mon frère, remplissant cette fois un office plus honorable, se fût chargée de recueillir mes larmes et de les lui porter afin de m'obtenir ma grâce. Après cette réconciliation qui fut surtout bien complète, lorsque j'eus convaincu suffisamment mon inquiète maîtresse que ma confidence à mon frère, si coupable qu'elle fût, reposait au moins en un digne et inviolable sanctuaire, notre commerce se continua durant les premiers mois de l'hiver plus intime encore, et sans que le moindre orage en revînt troubler la sérénité. Moi, je m'étais endormi dans mon bonheur avec une si insoucieuse confiance que je ne m'étonnais même plus du merveilleux de ces mystères. Au lieu de la chaise du vieil écuyer, Donna Josepha m'eût-elle envoyé un soir quelqu'un de ces dragons ailés dont il est fait tant usage en nos romans de chevalerie, la chose m'eût semblé, je crois, parfaitement simple et naturelle, et j'eusse monté l'hippogriffe et piqué les deux, tout aussi calme que si je m'en fusse allé trotter innocemment au prado sur le moins rétif de mes chevaux de Xérès.